Toyota. Eh, hey, t'as vu ? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride Dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Traitement de l'apnée obstructive du sommeil par pression positive continue, étude des données de télésurveillance pour comprendre l'impact des modifications du traitement et prédire les événements aigus. Tel est le titre de la lauréate de la thèse, de la lauréate de ma thèse en 180 secondes, Alphany Midley, qui aura la lourde tâche de représenter la France à la finale internationale en octobre au Québec. Entretien avec les trois premiers prix de la compétition, quel regard porte-t-elle et il sur les débuts de carrière dans la recherche. Nous parlerons également de l'influence de la Lune, d'ingénierie tissulaire et du futur de l'alimentation humaine. MT180, Lune, ingénierie tissulaire et nourriture de demain, c'est le programme varié qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce vaste programme et interroger ces jeunes chercheuses et chercheurs sur l'avenir de leur carrière, le jury implacable et incorruptible est composé de Cécile Lestienne. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice de la rédaction de Pour la Science, Élodie Chabrol, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Directrice du festival Paint of Science et Vincent Nouriga, bonjour Vincent. Bonjour. Du magazine Epsilon. Mais on commence par celle qui remporte haut la main chaque jour le concours de la meilleure actualité scientifique de France. Et d'ailleurs, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette publication hier dans la revue Science de la suite des analyses de l'expédition Tara Océan. Nous avons découvert 5000 nouveaux virus marins. Oui, c'est la plus grande enquête jamais menée sur les virus océaniques. Entre 2009 et 2013, l'expédition Tara Océan a échantillonné les eaux de tous les océans du monde, jusqu'aux mers arctiques. Une partie de ces prélèvements ont été envoyés au génoscope à Évry, où les équipes, depuis 9 ans, séquencent l'ADN total de ces échantillons. Cette étude met en lumière un monde très important au niveau du vivant, qui est le virus ARN, c'est-à-dire les virus dont l'information génétique est portée par une molécule d'ARN et non pas une molécule d'ADN. Ce sont des virus qu'on ne connaît pas bien, et on s'y intéresse d'autant plus qu'on pense que les premières molécules qui portaient l'information génétique étaient des molécules d'ARN. Ces virus sont donc un peu les témoins des premiers âges de l'évolution. Aujourd'hui, ces organismes tiennent un rôle important dans la dynamique océanique et notamment sur la séquestration du carbone. Éric Pelletier est directeur de recherche au CEA, au Génoscope. Il travaille sur le projet Tara Océan depuis 11 ans. On a commencé à s'intéresser aux organismes entre guillemets classiques, hein, les protistes, les bactéries, les archées, les virus à ADN. Donc on a séparé déjà par taille les organismes. Et là, dernièrement, on s'est intéressé à ces virus ARN pour lesquels on n'a pas l'échantillon. En soi, on n'a pas récolté les particules de virus avec de l'ARN dedans. Par contre, ces virus, ils infectent des cellules eucaryotes, souvent. Et quand ils infectent ces cellules, on trouve de l'ADN de ces virus dans les cellules. Donc c'est comme ça qu'on s'est intéressé à découvrir d'abord quelles sont les traces des virus ARN qu'on trouve dans les cellules. On n'avait pas une vision de ce qui se passait dans l'océan. Et là, la grosse surprise, ça a été que on a défini une grande diversité de familles de virus ARN dans les échantillons issus du projet Tara. Tous les virus ont un impact dans la séquestration du carbone parce qu'il y a une énorme dynamique au niveau de l'océan. Les virus, en général, infectent beaucoup de cellules planctoniques, que ce soit des bactéries, des eucaryotes. Et en gros, on estime aujourd'hui qu'un tiers des cellules planctoniques sont renouvelées chaque jour dans l'océan du fait de l'activité des virus. Le fait qu'ils détruisent des cellules en permanence, ça a un impact sur la libération des composés carbonés dans l'océan et dans la mort des organismes. Donc une partie des organismes qui meurent vont couler et vont séquestrer du carbone. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est on a découvert que les virus ARN peuvent transporter des gènes eucaryotes. Ils peuvent propager des gènes d'une espèce à une autre. Et parmi les gènes qu'on a découverts qui peuvent être portés par ces virus, il y a notamment des gènes qui ont des fonctions biologiques pour les bactéries ou pour les eucaryotes, et notamment des gènes impliqués dans la photosynthèse ou dans le métabolisme de différents composés. Donc, une cellule qui va être infectée par un virus, ADN ou ARN, peut se voir en un sens reprogrammée pour certaines activités. Ça impacte notamment le processus du carbone par les organismes de l'océan. Il y a une grande quantité de CO2 atmosphérique qui est processée par les organismes marins et qui, pour une partie, va être séquestrée dans les fonds marins. Et le carbone qui est séquestré là, l'est pour de très longues durées. Et le rôle des virus dans cette dynamique-là est important et assez peu connu encore aujourd'hui. Voilà, et si vous voulez retrouver cette étude et plus de détails sur cette expédition Tara Océan, vous pouvez bien sûr vous connecter à notre compte Twitter @laméthodefc, des informations que vous retrouverez sur le site de l'émission également sur franceculture.fr. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude sortie des laboratoires français, étude parue dans la revue Nature Astronomy, qui apporte un nouveau modèle climatique à Saturne. Une équipe française a voulu aller plus loin que les observations actuelles de l'atmosphère de Saturne. Il faut savoir que ce qu'on observe de cette planète, depuis la Terre, c'est la couche supérieure de nuages et leurs mouvements, ce qui nous permet de déterminer les régimes de vent. Mais au-dessus, dans la stratosphère, c'est plus difficile et la dynamique de cette région reste mal connue. Donc pour avoir une idée de ce qui se passe dans cette région, cette équipe s'est appuyée sur les observations depuis le sol terrestre, depuis l'orbite terrestre et grâce aux données de la sonde Cassini. Les chercheurs ont ainsi pu suivre les évolutions thermiques et chimiques dans une grande partie de son atmosphère et ils ont utilisé un nouveau modèle climatique. Selon leurs résultats, la Terre et Saturne sont des planètes très différentes et pourtant, la dynamique de leur haute atmosphère est très similaire. Déborah Bardet est postdoctorante au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Elle est l'autrice principale de cette étude. On s'est rendu compte que, notamment au niveau de l'équateur de Saturne, il y avait une oscillation de température dans la stratosphère de Saturne, dans la partie supérieure de l'atmosphère de Saturne. Et donc une oscillation thermique, qu'est-ce que c'est? C'est juste un empilement d'anomalies chaudes et froides en température qui, au cours du temps, descendent progressivement vers les plus basses couches de l'atmosphère. Ce genre de comportement, on le voit aussi également dans la stratosphère de la Terre. Et on sait aussi que ces oscillations thermiques sont associées à des oscillations de vent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que grâce à notre modèle, qui est assez récent, on arrive à reproduire quelque chose de semblable aux observations en termes d'oscillation thermique. Et on arrive également à avoir une oscillation de vent associée à cette oscillation thermique. Donc la Terre et Saturne sont très différentes et pourtant... Et pourtant, on arrive à montrer grâce à ce modèle que le forçage de cette oscillation équatoriale thermique et de vent semble très similaire au forçage d'oscillation thermique et de vent dans la stratosphère de Saturne, qui est du coup relié au cycle saisonnier de la planète. Donc la Terre est inclinée par rapport à l'axe vertical, ce qui lui confère des saisons. Et en fait, sur Saturne, il y a également une inclinaison à peu près du même ordre de grandeur en termes de degrés. Et donc, ça lui confère également des saisons très marquées, très similaires sur ce qu'on connaît sur Terre. Et ces saisons, en fait, permettent de développer une circulation entre l'hémisphère d'hiver et l'hémisphère d'été, qui donc se renverse au changement de saison entre l'été et l'hiver. Et donc, à chaque changement de saison, vous allez avoir un changement de phase de vent de l'oscillation équatoriale. Et au cours du temps, chaque phase de vent va descendre vers les plus basses couches de l'atmosphère. Et c'est très similaire à ce que l'on observe sur la Terre. Cette circulation de grande échelle entre l'hémisphère d'hiver et l'hémisphère d'été est appelée la circulation de Brouwer-Dobson sur Terre. Et l'oscillation équatoriale qui est forcée par cette circulation de Brouwer-Dobson sur Terre est appelée l'oscillation semi-annuelle. Également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, une équipe japonaise a fabriqué un doigt robotique recouvert d'une peau de synthèse créée à partir de cellules humaines. Une peau moite et qui peut cicatriser. Pour cette prouesse technique, ce doigt robotique a baigné dans une solution de collagène et de fibroblastes dermiques. La peau s'est ensuite formée autour. Le doigt pouvait se plier et se déplier et provoquer de petites rides, comme sur nos mains. Cette même équipe travaille aussi sur un visage robotique recouvert d'une vraie peau. Cette semaine, on découvre que si les chiens sont des animaux particulièrement sociaux, c'est peut-être grâce à deux mutations génétiques. Après avoir séquencé l'ADN de plus de 600 chiens, une équipe japonaise a découvert deux mutations dans un gène lié à la réponse au stress. Selon les auteurs, les capacités cognitives sociales des chiens ont été acquises à la suite de ces mutations, ce qui aurait ainsi réduit leur peur et leur agressivité. Et enfin cette semaine, on sait précisément quand a eu lieu la domestication des poulets, mais on ne comprend pas bien pourquoi. De nouvelles datations carbone de 23 zoos en Europe et dans le nord de l'Afrique suggèrent que leur élevage est plus jeune que nous ne le pensions, mais les motivations ne sont pas claires, car ils ne semblent pas avoir été élevés pour leur viande. Peut-être étaient-ils utilisés comme système d'alarme, comme les oies, et des sépultures d'humains enterrées avec des poulets en Grande-Bretagne il y a 2000 ans suggèrent que ces oiseaux étaient peut-être considérés comme des guides spirituels pour l'au-delà. Et comme chaque vendredi, nous terminons ce journal par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, Natacha, une question mathématique qui enflamme la plateforme Reddit. Si nous pouvions faire une boulette de viande avec tous les êtres humains de la planète, quelle taille aurait cette boulette ? C'est un mathématicien qui a lancé ce défi et les utilisateurs de Reddit ont sorti leur calculette. Alors la densité moyenne d'une personne est de 985 kg par mètre cube, d'une masse moyenne de 62 kg. Donc mixés ensemble, il serait alors possible de faire tenir 16 humains dans un mètre cube. Donc si vous mettez 7,88 milliards d'êtres humains dans un mixeur, vous obtiendrez une boulette de 496 millions de mètres cubes, soit une boulette de viande d'environ 1 km de diamètre. C'est aussi haut que 3 tours Eiffel. Et vous ne regarderez plus jamais vos poules péter de la même façon. Merci beaucoup, Natacha. Et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. J'ai donc le plaisir de recevoir autour de cette table le gratin du futur de la recherche française, les 3 lauréats du concours Ma thèse en 180 secondes. Le principe, c'est dans le titre. 3 minutes pour résumer, pour pitcher des travaux de recherche complets avec le support d'une seule image que nous n'aurons donc pas puisque nous sommes à la radio. La finale se déroulait mardi 31 mai, mardi dernier de la semaine dernière. Ont donc été primés Alphanie Midley. Bonjour Alphanie. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Merci beaucoup. Oscar Cossera, bonjour Oscar. Bonjour. Et Maxime Robic, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Félicitations à tous les 3. Pour commencer, bien, Alphanie, je vous propose de nous faire entendre ce pourquoi vous avez été primé. Expliquez-nous ce sur quoi vous travaillez. Allez-y, je vous en prie. Je fais mes 3 minutes. Vous pouvez faire vos 3 minutes, on vous écoute. C'est parti. Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Laissez-moi poser le diagnostic. Vous somnolez la journée après une nuit de plus de 10 heures. Vos ronflements énervent plus votre partenaire qu'un gosse qui crie. Ok, j'ai compris. Vous souffrez sûrement d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que vous arrêtez de respirer pendant plus de 10 secondes, au moins 30 fois par heure de sommeil. Et pourquoi ? Parce que vos voies aériennes se rétrécissent jusqu'à se boucher avant que la reprise respiratoire ne s'accompagne d'un micro-éveil qui empêche d'accéder au sommeil profond. Alors, pour maintenir les voies ouvertes, 1,4 million de personnes en France portent chaque nuit un masque relié à une machine. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée, si tout est bien réglé. Comment ça, bien réglé ? Eh bien, je dois vous avouer qu'avec un mauvais réglage, les apnées continuent, même avec la machine. Et puisqu'elle collecte des données, j'ai développé des algorithmes qui permettent de catégoriser les patients. Ceux qui dorment profondément sous un ciel bleu immaculé, ils ne font plus aucune apnée. Ceux qui dorment perturbés sous un ciel changeant, ils alternent entre des périodes avec et sans apnée. Et ceux qu'on ne comprend pas, qui dorment sous la pluie entre l'éclaircie et l'orage. Ils font beaucoup d'apnée et ça varie beaucoup d'une nuit à l'autre. Alors, pour aider ces derniers, j'ai développé d'autres algorithmes qui permettent d'évaluer automatiquement l'impact d'un changement de réglage et d'alerter, dès l'apparition des premiers nuages, sur l'orage d'apnée à venir. Plus jamais d'apnée si tout est bien réglé, à part quand le cœur déraille sans prévenir. Pourquoi on parle du cœur maintenant ? parce que cœur et respiration sont liés. Alors, je regarde avec les médecins les courbes de débit d'air enregistrées par les machines et j'essaie de comprendre les intuitions qu'ils ont développées à force de les regarder pour leurs patients. Est-ce que l'amplitude, la longueur des cycles sont associées à une insuffisance cardiaque plus ou moins sévère? En fait, est-ce que la forme des nuages annoncerait l'orage à venir? Alors je code pour calculer ces indicateurs. Et puis je rediscute avec les médecins pour voir si mes trouvailles ont un sens clinique. Et je recode et remodélise avec toujours pour objectif de prédire le pire. La tempête de la crise cardiaque. Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée si tout est bien réglé. À part quand le cœur déraille sans prévenir. Et je travaille pour tenter de le prédire. Merci beaucoup Alphany, félicitations. Oscar, à votre tour, on va vous écouter. Allez-y. Alors moi, ça commence comme ça. Compter ma thématique n'est pas tellement aisée, mais j'aimerais réussir à vous la présenter. Vous dire comme l'univers, la nature qui nous entoure, sont décrits par des idées qui en valent le détour. Et parvenir à nous faire sentir à quoi elles peuvent nous servir. Ah, l'étude de l'univers commence avec les physiciens. Ils observent des phénomènes, tels une pomme qui tombe d'un arbre ou des planètes en orbite. Depuis des millénaires, ils expliquent ces phénomènes par des équations. Depuis des siècles, on étudie ces équations et leur géométrie associée. Depuis des décennies, grâce aux ordinateurs, on en cherche des solutions approchées, mais tangibles. Depuis bientôt 2 ans, avec des théorèmes de géométrie, j'aide les physiciens à aider les ordinateurs à résoudre leurs équations. Précisément, la structure mathématique à laquelle je m'intéresse s'appelle la géométrie de Poisson, en l'honneur de ce mathématicien du 19e siècle. Et un exemple concret de phénomène que cette géométrie permet de décrire est la gravitation universelle, celle qui dicte le mouvement d'un fruit quand il chute d'une branche, la pomme, ou poire, ou noix de coco. Alors, supposons qu'un physicien veuille prédire un phénomène qu'il a mis en équation, par exemple, savoir si cette pomme qui tombe arrive sur sa tête. Alors, il prend sa feuille et son stylo pour en calculer la trajectoire. Supposons qu'à sa grande surprise, elle s'écrase sur son crâne. Alors, il est vexé. Supposons que cet affront décuple ses forces et qu'il envoie la coupable dans le système solaire. J'ai bien dit « supposons ». Alors là, ça devient compliqué. La solution de l'équation, c'est-à-dire le mouvement de la pomme au cours du temps, devient trop difficile à calculer. Heureusement, il existe les intégrateurs, ces algorithmes utilisés par un ordinateur pour approximer une trajectoire et aider notre physicien, encore un peu vexé, à retrouver sa pomme d'avant. Manque de peau, comme pour les pommes, les intégrateurs ont des pépins. Ils font des petites erreurs qui s'accumulent et ça en fait toute une caisse, voire plusieurs. Les intégrateurs géométriques que je mûris pendant mon doctorat vont presser les erreurs pour, sans les supprimer, ce serait trop facile, les réduire et n'en garder que le suc. Grâce à eux, on va pouvoir savoir si la pomme se promène sur les anneaux de Saturne ou dans la cuisse de Jupiter. Maintenant, revenons sur Terre. Puisque la géométrie de Poisson foisonne d'exemples physiques, les intégrateurs de Poisson que je conçois et programme regorgent d'applications. En plus de traquer des pommes en orbite, ils peuvent prédire la course des cyclones qui parcourent le ciel, la forme des vagues aux abords d'une plage ou le mouvement de l'eau qui passe. Voilà la force des maths bien faites. C'est pour cela que l'on s'en sert. Comme ces idées sont parfaites, elles peuvent nous compter l'univers. Enfin, presque. Merci beaucoup Oscar et Maxime Robic. À vous, on vous écoute. Merci. Bon ben, c'est parti. Bonjour. Observez la Terre depuis l'espace. Ça vous tenterait ? De nombreux satellites imageurs le font déjà et sont dédiés à des usages très variés. Une contrainte, c'est que ces satellites ne peuvent en général que balayer en dessous d'eux. Ils enregistrent une bande colorée durant ce balayage et la reconstruisent en images après coup. Un peu comme si vous étiez dans un train et que vous preniez le paysage avec votre téléphone en mode panorama. Imaginez qu'ensuite sur votre photo vous ayez « Waouh, une biche !» figée en plein saut au milieu du champ. Alors c'est joli certes, mais vous auriez aimé observer ce saut gracieux en entier. Ah, si vous étiez passé en mode vidéo plutôt, et que vous aviez tout simplement tourné le poignet pour suivre son mouvement. Et bah votre poignet là, c'est un satellite. Votre téléphone, c'est sa caméra. Et la biche, c'est un objet précis sur Terre qu'on aimerait bien observer en mode vidéo, comme un volcan en éruption par exemple. C'est le but de ma thèse. Arriver à contrôler un nouveau type de satellite imageur pouvant bouger très rapidement en rotation sur son orbite, capable de filmer des vidéos centrées sur un objet précis sur Terre. Alors, je vous arrête tout de suite, moi, je ne suis pas astronaute, non. Je suis informaticien. Et c'est peut-être un peu moins glamour, dit comme ça. Et bah, j'ai pas de satellite à ma disposition pour tester mes commandes. Je maîtrise néanmoins une force cosmique bien connue des doctorants, la simulation. Je prends toute la physique de l'espace et là, je code. Je modélise un satellite et je modélise sa caméra. Je récupère une image de la Terre, par exemple celle d'une région volcanique, et je la pose. Je fais passer mon satellite au-dessus et j'observe l'image qu'on voit depuis sa caméra. Mettons qu'il y a un volcan dans cette image, il ne sera pas forcément centré dedans. Alors, j'automatise l'inclinaison de mon satellite afin de réduire la distance entre le volcan et le centre de l'image. Je peux vous dire qu'à ce moment précis, mon satellite n'est uniquement commandé que par ce qu'il voit. Uniquement ? Non. Je vous mens un peu là. Un peu comme quand vous étiez dans votre train. Est-ce que c'était vraiment le mouvement de la biche qui faisait tourner le plus le poignet ? Ou le mouvement du train ? Eh oui, sauf que votre train il va à 300 km/h. Mon satellite à 7,6 km par seconde. Vous comprenez donc l'intérêt pour lui de bouger d'abord en rotation pour compenser son grand mouvement de translation et ne pas rater mon volcan. Ça fait plus d'un an et demi que je suis en thèse et j'ai réussi à prouver que ma modélisation pouvait suivre n'importe quel objet sur Terre pour peu qu'il soit observable sur une image satellite. Maintenant, j'aimerais généraliser mon approche à plusieurs satellites situés sur une même orbite. On appelle cela une constellation. Cette constellation permettrait que si un de mes satellites passe derrière la Terre et ne peut donc plus suivre mon volcan, qu'il envoie les informations de position de ce volcan à un second satellite qui viendrait derrière pour prendre le relais. En fait, c'est un peu comme si j'appelais mon pote Vincent à l'arrière du train en lui disant « Hey mec, observe-moi cette biche !» On pourrait couvrir l'intégralité d'un phénomène naturel terrestre depuis l'espace sans en rater une seule miette. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait tourner la tête. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup merci. À tous les trois. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que on aborde finalement cet exercice si particulier? Comment est-ce que vous l'écrivez? Est-ce que vous avez eu l'impression finalement que ce travail et ce concours que vous avez passé a pu avoir d'une certaine manière une rétroaction sur votre façon d'envisager même vos travaux de recherche, Alphany? Oui, je pense que au cours de notre travail d'écriture, on prend du recul sur nos travaux. Moi, je sais que de toute façon, j'ai un profil à une personnalité à beaucoup prendre du recul, mais je pense que encore pendant ces mois d'écriture et d'itération, parce qu'en fait à chaque étape j'ai aussi retravaillé mon texte, je me suis rendu compte de ce qui était vraiment important dans ma thèse et ce qui comptait le plus pour moi, parce que effectivement on filtre et on priorise ce sur quoi on veut parler. Et en fait, on parle de ce qui nous passionne vraiment, de ce qui nous intéresse le plus. Et ça m'a permis de dégager ce qui m'intéressait le plus. Oui, Oscar ? En fait, il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est qu'on est très entouré, on a des encadrants qui nous aident à écrire nos textes et à qui il faut quand même rendre hommage. Moi, dans mon texte, il y a plein d'idées qui viennent qui sont des contributions de donc Christian Gouachon, qui est le coach de l'Université de La Rochelle. Et c'est en fait... Ça se voit pas de l'extérieur, mais c'est aussi une super aventure humaine, parce qu'on représente nos laboratoires, l'université, la ville d'où on vient, donc c'est aussi ça le concours, quoi. Maxime, vous diriez que ça peut même avoir une influence sur votre façon de rédiger vos travaux, sur la manière dont finalement vous avez une forme de vision plus synthétique ou plus efficace dans l'approche de votre texte de recherche? Bah, effectivement, durant les formations de ma thèse en 180 secondes, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas trop, mais on est formé en fait à ce concours. Quand on s'inscrit pas que au concours, on s'inscrit à la formation qui est liée à ça. Et en fait, on a beaucoup de formations du coup sur le fait d'essayer de présenter un travail concis, un travail synthétisé, effectivement, mais en essayant de ne pas trop le simplifier non plus, c'est-à-dire de rentrer quand même dans le détail, mais de rentrer dans le détail de manière concise en fait. Et ça, oui, effectivement, je pense que quand on n'est pas formé, c'est super difficile à acquérir. Et effectivement, bah maintenant que j'ai cette vision sur ça, dans des présentations que je pourrais donner par exemple à mon équipe, que je vais donner d'ailleurs la semaine prochaine, bah j'ai des idées supplémentaires que j'aurais peut-être pas eu avant ma thèse en 180 secondes. Est-ce que vous pensez que ça vous engage aussi pour l'avenir de vos travaux de recherche à mieux vulgariser, à plus facilement parler à des journalistes comme que nous sommes par exemple ici, Alphany? Oui, Est-ce que c'est un engagement? Je ne sais pas. Je pense que dans la recherche, on doit aller vers ce qui nous plaît le plus et suivre notre appétence. Mais en fait, je pense qu'on a tous pris goût à ça. Parce que une fois qu'on apprend comment le faire, qu'on apprend quelques techniques, quelques méthodes, et qu'on le fait et qu'on sent que ça passe auprès de notre public, forcément qu'on prend goût et qu'on aime ça. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Ouais. C'est intéressant, Cécile, parce qu'on sait, comme des vieux briscards de la vulgarisation scientifique que nous sommes, qu'il fut un temps où parler avec des scientifiques, c'était pas facile. Les scientifiques n'étaient pas toujours très contents ou très dispos pour venir parler de leurs travaux et pour venir les vulgariser. Ça a considérablement changé ces dernières années. Mais du coup, ce concours, c'est un pas de plus avant pour plus fluidifier la façon de travailler, d'expliquer son travail et de l'expliquer au grand public, en fait. Absolument. Il y a même eu un temps où il n'y avait pas de service de presse et où les chercheurs refusaient de parler aux journalistes. Mais même moi, j'étais pas née. Mais c'est comme ça que l'Association des journalistes scientifiques est née. C'est pour cette raison-là. C'est pour ouvrir les portes. Et on est effectivement très content de voir les jeunes chercheurs se former à ça. Pour nous, les journalistes, évidemment, c'est très agréable d'une part et intéressant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est justement, c'est pourquoi vous êtes inscrit à ce concours? En fait, au départ, vous y avez pris goût maintenant, mais au départ, pourquoi vous y êtes allé? En fait, vous voulez alors, devenir journaliste scientifique. Vincent dit, parce que votre micro n'était pas ouvert, vous voulez devenir journaliste scientifique, Oscar. En fait, moi, ce concours, il rassemble plein de choses que j'aime. L'écriture, j'avais déjà fait des concours d'éloquence avant. La prise de parole en public, c'est des choses que j'aime bien. Et puis, raconter des mathématiques à plein de gens en faisant des blagues, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est un exercice en soi, je veux dire. Les mathématiques fondamentales sont assez peu diffusé en vérité. Mmh. Et donc, c'était un challenge que j'ai pris beaucoup de plaisir à relever, moi. Mmh. Maxime ? Je rejoins un peu Oscar sur ça. Pour le coup, moi, je fais du théâtre amateur à côté. Et en fait, ma thèse en 180 secondes, c'était aussi l'occasion de faire du théâtre avec, pour essence, ma thèse. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'aucun concours n'aurait permis, en fait, ne m'aurait donné cette opportunité-là. Donc, je suis très content. Et puis aussi, forcément, de présenter à nos proches, qui ne sont pas forcément des initiés de ce qu'on fait. Et voilà, d'entendre mes parents, ma mère, qui me dit « j'ai tout compris de ce que tu fais ». J'ai enfin compris sur quoi tu travailles. Élodie Chabrol. Oui, moi je voulais juste dire, en fait, on parle beaucoup de apprendre à vulgariser, ça permet de parler au grand public, mais c'est vrai que même dans le métier de chercheur, en fait, savoir s'adapter à son public et savoir parler, parce qu'on parle pas toujours à des scientifiques de notre domaine, vraiment, donc savoir parler complètement jargon et s'adapter, en fait, ça aide. Donc apprendre à vulgariser, ça vous aide aussi à être de bons scientifiques. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, que vous pourrez à peu aller à n'importe quel congrès en mode c'est bon, j'ai plus peur, quoi. Alphany? Oui, effectivement, pour rebondir là-dessus, du coup, moi, 2 jours après la finale nationale, j'avais la journée de mon école doctorale et on devait parler pendant 3 minutes de nos travaux de thèse. Et du coup, là, je me suis sentie suffisamment confiante cette fois pour y aller presque en improvisant, avec une petite structure de mon discours, mais pas un texte tout fait. Alors que moi, je faisais plutôt partie de ceux qui sont inscrits au concours pour la formation, pour progresser, parce que j'avais assez peur, je trouvais que j'étais jamais assez claire, que j'avais toujours besoin de me rassurer en préparant beaucoup mes présentations. Et au final, je me suis surprise à beaucoup aimer ça. Et, ouais. C'est beaucoup de temps, cette préparation de ma thèse en 180 secondes. C'est quoi, que, par exemple, comme volume horaire approximatif, Oscar? Pour moi, c'est des dizaines d'heures. En fait, je suis venu à la première réunion avec ce coach d'écriture avec un texte tout fait, qui n'a pas du tout marché, qui faisait pas du tout l'affaire. Et ça faisait 3 mois que je l'avais écrit et que j'étais super partant. Et donc, ça a été un peu comme Alphany le racontait, c'est des itérations, en fait, d'amélioration. Moi, je l'ai lu à 8 copains qui m'ont dit 15 fois, on comprend rien. Et puis, la 16e fois, ils avaient compris. Et ensuite, on a rajouté des choses, etc. Vincent, tu voulais dire quelque chose? Quand je pense que je passe toutes mes journées à essayer de lire et de comprendre des études scientifiques, parfois totalement incompréhensibles, ça me ferait beaucoup de bien d'avoir ce genre de présentation pour chaque étude scientifique, un résumé, mais mieux qu'un abstract, parce que les résumés qui sont offerts sont pas finalement pas si clairs que ça, en général, donc ça me ferait du bien. Pour parler un peu de la suite, on sait aujourd'hui que les débuts de parcours scientifiques peuvent être un peu cabossés, accidentés, un peu chaotiques. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous vous projetez? Vous savez d'ores et déjà que vous avez envie de continuer dans la recherche, dans l'enseignement, dans le milieu académique, ou au contraire partir sur de la médiation, de la communication scientifique? Est-ce que peut-être même que cette expérience a fait bouger bouger les lignes de ce côté-là, Maxime ? Moi je suis en deuxième année de thèse, donc comme je disais, ça fait un an et demi que je suis en thèse, alors c'est vrai que c'est encore des questions qui sont un peu loin pour moi. Je suis un peu dans le flou, mais c'est vrai que peu importe le métier que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais essayer d'allier la médiation scientifique dedans, parce que je pense que c'est quelque chose de très important à l'heure actuelle dans notre société, et en France en l'occurrence. Et puis c'est juste parce que ça me plaît aussi. Donc voilà, je me dis que ça va être une base que je vais me fixer, et ensuite je verrai comment s'articule le reste. Vous voyez opiner, Oscar. Oui, moi je pense que la recherche marche super bien avec la médiation scientifique. Je pense que c'est une super capacité de pouvoir partager au grand public des travaux qui sont à la frontière de la connaissance humaine quand même. Mmh. C'est assez excitant. Donc voilà, ce concours, c'était ça. Même si c'est quand même une contrainte de raconter ce qu'on fait en 3 minutes, la médiation scientifique, à mon avis, c'est aussi développer des idées sans faire de concessions sur le temps qu'on prend pour les raconter. Et Alphany, pour vous ? Moi, je suis encore dans le flou alors que je suis en troisième année et ce concours a effectivement aussi remis des choses en question. Donc je ne sais pas exactement. Ce dont je suis sûre, c'est que maintenant, j'ai pris conscience que j'aime beaucoup transmettre et que ce soit dans le cadre de la médiation scientifique ou de l'enseignement. Et l'enseignement m'a aussi beaucoup servi pendant ma thèse parce que c'était une motivation en fait au quotidien de transmettre auprès des plus jeunes les savoirs. Un dernier mot pour conclure. Donc la finale internationale, c'est le 6 octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Alphany, puisque c'est vous qui allez représenter la France. Ça se passera au Québec, à Montréal. Et le texte va rester exactement le même. Comment ça se prépare particulièrement une finale internationale? Comment vous l'envisagez? Pour le moment, j'essaie de rédiger mon manuscrit, donc je sais que je travaillerai dessus surtout le dernier mois avant. Mais ce qui est certain, c'est que je vais retoucher à mon texte. Je prends du temps pour prendre du recul sur le texte et je vais certainement revenir avec des idées nouvelles. Je vais peut-être aussi l'adapter un petit peu au contexte dans lequel je serai, un contexte international, puisque là je parle de la prévalence et de l'utilisation de la machine en France. Mais voilà, je vais revoir ça. Et puis je pense qu'en tant que chercheur, on se remet toujours en question et on a toujours envie de faire mieux et on sait que tout est perfectible. Donc c'est certain que là, c'est pas le texte que je dirais à Montréal. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous faire vos présentations et discuter un peu de ce concours. Bon courage pour la finale. On croisera les doigts pour vous. Merci. Bœuf, araignée de mer et caviar. Royal d'araignée de mer. Cœur de filet de bœuf de Salers. Au caviar, au sirop. Petite quenelle au caviar pressé. Galette de blé noir au navet blanc. Millefeuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau. Assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer. Rabat grillé, jeune fenouil et radis glacé en aigre doux. Caillette aux olives noires de Luc. Cannelée à la pimpronelle et fromage de chèvre frais. Agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau alaiton de l'Aveyron. Sel poêlé à l'origan. Carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori. Et timbales de riz à l'oseille pourpre. Escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil. Feuilles cigarettes de chou Shanghai, panisse, Slow Food d'Alain Bachung à 16h35 sur France Culture. Eh bien, justement parce que les filières agroalimentaires émettent environ un tiers des gaz à effet de serre dans le monde. Pour continuer à nourrir la planète, si on se fonde sur le modèle occidental, la production de viande, d'œufs et de produits laitiers devra augmenter de près de 50% d'ici 2050. Or, 811 millions de personnes sont aujourd'hui chroniquement sous-alimentées. Comment résoudre, Cécile Lestienne, cette quadrature du cercle alimentaire ? Eh bien, ce n'est pas simple. Voilà. Merci Cécile Lestienne. En fait, la question plus précise, ça serait comment trouver des régimes alimentaires soutenables pour l'environnement local, soutenables pour l'environnement global, voilà, qui en même temps procurent une qualité alimentaire suffisante, voire même favorable à la santé des humains, voilà, tout en étant financièrement abordable et culturellement acceptable. Et voilà, et ça donc, fait beaucoup de paramètres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. En fait, l'enjeu, il est assez clair, mais c'est la solution qui l'est un petit peu moins. L'enjeu, comme vous l'avez déjà dit, Nicolas, voilà, il est dicté en fait par le constat qu'on peut faire aujourd'hui hein, sur la santé de notre planète et la santé des humains. Bon, donc vous l'avez dit, réchauffement climatique, l'impact de la filière agroalimentaire, voilà, je ne redis pas les chiffres. Du côté de la santé des humains, il y a effectivement plus de 800 millions de personnes aujourd'hui, enfin c'était les chiffres de 2020, qui souffrent de famine ou qui sont sous-nutries. Voilà. Ça a probablement un peu augmenté avec la crise du Covid, ça ne va probablement pas s'améliorer avec les menaces qui pèsent sur la filière du blé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, nous avons près de 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, principalement en Occident certes, mais pas que, notamment pour les enfants. On trouve des enfants obèses dans beaucoup d'autres continents. Et donc c'est un vrai problème qui causerait plusieurs millions de morts par an, d'après l'OMS, probablement plus que le tabagisme lui-même. Donc l'enjeu à ce moment-là est vraiment, vraiment, vraiment important. Parmi les études qui ont été faites sur ce sujet, il y a la commission IT-Lancet. Alors IT, c'est avec E-A-T, comme manger en anglais. Voilà. Lancet, parce que c'est financé aussi par le journal médical The Lancet, et puis par différentes organisations caritatives et autres fondations. En 2019, avait fait un rapport sur ce sujet, qu'ils avaient en fait fait travailler plus de 37 nutritionnistes, écologues, spécialistes de la santé publique, voilà, et ils ont essayer d'élaborer un régime qui permettrait de préserver à la fois la santé de la planète et à la fois la santé des humains. Alors, c'est un régime un peu flexitarien, entre le régime crétois et le pokéball, ouais, si vous voulez un peu. Voilà, avec évidemment plus de légumes, plus de fruits, moins, évidemment pas de sucre ajouté, moins de viande, moins de poisson, etc. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous pouvez dire une portion de viande de 100 grammes par semaine. 100 grammes par semaine. Voilà, à peu près. Mais d'ailleurs, si vous voulez tous les chiffres, les auditeurs les trouveront évidemment dans Pour la Science et aussi sur le site de Pour la Science. Hein, l'article est en accès libre aujourd'hui, justement. Voilà, pour voir qu'est-ce qui se passe, quel serait le régime alimentaire idéal et qu'est-ce qu'il est effectivement selon les continents. Donc voilà, alors c'est pas évidemment pas le régime parfait, il y a eu d'ailleurs pas mal de critiques, certains disent oui c'est bien mais peut-être que ça ferait quand même des carences, notamment en zinc, en calcium, en fer, voilà. Le régime il est pas pour tout le monde parce que vous n'allez pas nourrir de la même façon un adulte en surpoids et un enfant en dénutrie. Et aussi en fonction des pays, les traditions alimentaires ne sont pas les mêmes. Pays, en fonction justement des culturels et des pays comme les pays du Nord, on mange beaucoup plus de pommes de terre, ben, peut-être qu'il faut en manger plus. Enfin, donc, voilà. Il y a aussi une question de coût. Ça, c'est une vraie, vraie, vraie, vraie question. Parce que dans leur proposition et leur calcul, ce régime alimentaire équilibré, voilà, ça représenterait à peu près 4% du revenu moyen d'un Américain, à peu près 10% chez nous, mais 73% du revenu moyen en Afrique subsaharienne, 65% en Asie méridionale. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Et voilà, trop cher probablement. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres questions à creuser. Il faut aussi toujours trouver des solutions locales parce que effectivement, dans certaines régions du monde où les gens vivent de l'élevage ou de la pêche, peut-être qu'il faudrait qu'ils en mangent plus. Voilà. Et, l'article débute par une petite étude qui avait été faite faite par des chercheurs américains et kényans au Kenya, dans un village de pêcheurs côtiers, voilà, où ils s'étaient aperçus que les gens étaient pêcheurs, mais ils se nourrissaient essentiellement de farine de maïs, notamment les enfants, et la moitié des enfants étaient en déficit de croissance, donc voilà, donc c'était un problème. Mais voilà, donc la solution qu'ils ont proposée, c'est pas que les... Pourquoi effectivement les parents ne donnaient pas tant de poissons à leurs enfants? C'est parce que c'était pour eux beaucoup plus rentable de le vendre. Donc, comment vous arrivez à résoudre ce genre de problème? Vous n'allez pas leur dire de pêcher encore plus, c'est déjà surexploité. Donc, voilà, donc l'idée était de leur proposer des nasses avec qui permettaient aux petits poissons de s'échapper plus facilement pour que participer à la ressource des poissons et voilà, et qu'ils puissent après donner des poissons à leurs enfants. Bon, l'étude est en cours, donc on aura les résultats plus tard. C'est un peu anecdotique, mais ça montre la complexité du problème. Voilà. Et la FAO a lancé une grande étude là-dessus qui justement voudrait essayer de creuser tous ces sujets et qui devrait être visible en 2024. Et tout ça par ailleurs est aussi évidemment théoriquement très intéressant, mais il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte et qui est un paramètre compliqué, c'est le désir des gens pour ce type de régime, c'est-à-dire l'approbation et le fait d'accepter de suivre ces régimes-là et de changer d'habitude alimentaire. Et ça, c'est très difficile. On le voit bien, hein, même autour de nous, on sait très bien que c'est mieux de manger sain, comme on dit aujourd'hui, et que par ailleurs, les frites, c'est pas mal. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites également sur des élèves, c'est-à-dire de partir dès l'école et de voir qu'avec les enfants, ça peut marcher pas mal parce que c'est aussi une éducation alimentaire. Oui, c'était une étude norvégienne, voilà, qui avait travaillé sur les régimes de la cantine, voilà, en partant de ce que mangeaient habituellement les enfants, qui est beaucoup de sortes de ragoûts, là, mais ils avaient mis plus de légumes, plus de haricots, moins de viande, et c'était très bien passé, personne ne s'était occupé, aperçu de rien. Donc ça, c'est possible. Mais il y avait quand même un peu trop de pommes de terre par rapport à ce régime, soi-disant le meilleur possible. Mais bon, l'étude est en cours et renouvelée, là, donc on va voir si, effectivement, après, les enfants gardent ce type d'alimentation, gardent ces réflexes, en fait, alimentaires, qui sont à la fois bons pour eux, hein, pour leur santé, on le voit bien, voilà, et meilleurs pour la planète. Cet article est donc en accès gratuit aujourd'hui sur le site de Pour la Science, et puis vous pouvez le lire, comme d'habitude, dans votre magazine favori. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Deuxième sujet de ce vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche, la robotique au service de l'ingénierie tissulaire, pourquoi pas. De récentes études montrent que des greffes de tendons peuvent être radicalement améliorées et jusqu'au niveau génétique, Elodie, grâce à l'adjonction de mécanique robotique. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Alors déjà, la déchirure du tendon, c'est assez important parce que ça concerne 25% des plus de 60 ans. Et quand c'est réparé, dans 40% des cas, il y a un problème de cicatrisation. Donc vraiment, l'idée, c'est d'essayer de faire des greffes qui seront le mieux prises possible et qui marcheront le mieux. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est les autogreffes, c'est-à-dire prendre des cellules des patients et les cultiver. Sauf que cultiver des cellules, normalement, ça se fait dans des petites boîtes de pétri en plastique. Sauf que les tendons, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, les tendons, c'est des espèces de petits élastiques là, qu'il y a entre les muscles et les os. Et pour les cultiver correctement, eh ben, il faut y mettre du mouvement. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, ben, on va peut-être commencer à utiliser des robots. Et donc là... c'est pas que pour d'ailleurs les tendons, c'est aussi pour les ligaments, ça pourrait être pour les muscles, c'est pour vraiment plein de choses. En fait, on se rend compte que faire du tissu dans une boîte de pétri, ça va pas marcher. Il faut clairement les mettre dans des contextes un peu plus réels. C'est là qu'une équipe d'Oxford, donc le papier, c'est une équipe d'Oxford et une équipe allemande, c'est une boîte qui s'appelle Diventhrow, si je prononce correctement, qui a développé des cellules d'un tendon grâce à une épaule biomécanique. Alors, déjà, le robot qu'ils ont pris, c'est un robot un peu spécial, c'est un robot musculo-squelettique, c'est pas n'importe quel robot. L'idée de ce robot, c'est qu'en fait, sa structure va reproduire un peu la structure interne d'un humain, donc les os, etc. Parce que bon, si on prend un robot normal, ça va pas faire les mêmes pressions et les mêmes mouvements. Donc vraiment, ça reproduit plus fidèlement la structure osseuse avec des élastiques, des choses comme ça. Qui a été modifié pour créer, en gros, pour mettre des bioréacteurs. Alors, les bioréacteurs, qu'est-ce que c'est? Ça fait un grand mot, ça fait très science-fiction. On ne sait pas si c'est vendredi actu ou vendredi... C'est SF, on hésite, on est toujours un peu entre les deux. Mais en gros, le bioréacteur, c'est une boîte de pétri innovante qui va être en forme plus ou moins de tube où on va pouvoir mettre des fibres de poly caprolactones, qui en gros correspondent, sont un peu l'équivalent de fibres de collagène qui popent 90% des tendons. Et puis là-dessus, on va mettre des fibres humaines qui vont grandir dans un milieu de culture, donc un espèce de liquide. Mais ce truc-là, du coup, va être attaché à ce robot. Mmh. Et l'idée, c'est que le robot va faire des mouvements. Donc ça va permettre à ces cellules, en fait, de se maturer sur ces fibres avec les stimulations que normalement on aurait, bien sûr. Mmh. Donc voilà, l'idée, bien sûr, c'est que donc ils ont fabriqué ce bioréacteur. Ils considèrent que un bioréacteur va pas aller pour tous les types de cellules, etc. Donc il faudrait créer suivant les stimuli qu'on veut, suivant les types de tissus qu'on veut. Et ce qui est intéressant, Élodie, ouais. C'est que en fait, cette culture en mouvement, hein, puisque ouais. c'est l'idée de justement imprimer des mouvements pour, former en quelque sorte ces cellules à s'adapter à ce que sera ensuite leur ouais. véritable utilisation une fois que le greffon sera implanté sur un être humain. Eh bien, c'est que cette culture en mouvement va aller changer jusqu'à leur génome. Exactement. En fait, on voit que du coup, ces modifications physiques, c'est-à-dire ces mouvements, vont changer vraiment comment les cellules se comportent. Parce que c'est pour ça qu'elles en ont besoin, en fait, ces cellules, parce qu'elles ne deviennent pas les mêmes cellules si on les bouge un peu ou pas beaucoup. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait des sessions de adduction-abduction pendant 30 minutes, et j'ai appris que c'était un mouvement en gros avec les bras parallèles au corps, on lève, on baisse. Quoi, vous faites un peu l'oiseau. Je le fais, voilà on fait un peu l'oiseau. C'est un peu des jumping jacks mais sans les jambes, sans les jambes en fait. 30 minutes, fort ou léger, et en fait ils ont vu que suivant que l'exercice était fort ou léger, il y avait plus ou moins de gènes qui allaient être exprimés. Donc du coup vraiment que le mouvement allait changer les cellules, donc c'était vraiment quelque chose de très important. Et radicalement, je crois qu'on peut donner les chiffres, parce que c'est énorme, vraiment... C'est 13 à 200 et quelques. Voilà, c'est ça, 255 gènes qui s'expriment différemment fort. Lorsque les cellules sont soumises au régime fort, et seulement 13 gènes exprimés différemment quand c'est sur le régime faible, donc c'est vraiment radicalement différent. Ouais. C'est vraiment énorme, c'est pas une toute petite différence, donc vraiment il y a ça. Ce qu'ils ont vu aussi, c'est qu'il n'y a qu'un type de mouvement, bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des mouvements un peu plus rotatifs. C'est le type de mouvement, apparemment, que ce tendon est le plus habitué à faire, ou en tout cas sert le plus à faire. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce mouvement-là. Mais bien sûr, l'idée, ça serait de se dire, ça se trouve, d'autres mouvements vont peut-être même et faire exprimer d'autres gènes. Bien sûr, c'est 30 minutes par jour, donc c'est pas énorme non plus, hein, ces sessions-là. Mais l'idée, c'est d'aller vers des robots qui vont pouvoir créer, en gros, des tissus qui vont être différents. L'idée, c'est aussi de créer des muscles, où là, ça sera plus différent, parce que les muscles ont besoin énormément de nutriments. Donc là, le bioréacteur d'énergie, donc le bioréacteur sera probablement pas le même, mais c'est un espoir pour créer, en fait, jusque-là, c'était des autogreffes de ligaments ou de tendons qu'on prenait ailleurs. Donc ils pensent à des muscles, ils pensent aux ligaments aussi, ligament antérieur, qui est très très très souvent abîmé. Souvent on voit ça chez les sportifs. Ligament croisé, oui. Ouais, ligament croisé, le ski et les footballeurs. Il y a peu de temps à Roland Garros, même, il me semble. Voilà. On en a encore mal. Ouais, on en a mal pour lui. Ouais, on a mal. On a très très mal. Et du coup l'idée, ce serait plutôt que de prendre des tendons ailleurs, ce serait de récréer des tendons de nulle part. Donc c'est vraiment une technique qui pourrait vraiment révolutionner tout ça. Bien sûr, c'est que le début. Il faut encore avancer, il faut encore vérifier plein de choses. Mais en tout cas, c'est assez joli comme étude. Ouais. Et ce qui est intéressant pour conclure peut-être, c'est qu'il y a donc cette avancée sur différentes cellules, sur des bioréacteurs plus performants. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire encore sur de nouveaux mouvements, des mouvements plus complexes, dont on imagine qu'ils pourraient encore renforcer justement la spécificité de ces tissus. Exactement. Je pense qu'en plus, chaque tissu va avoir une spécificité de mouvement. Donc là, typiquement, ce tendon-là, ça allait, ce mouvement-là de jumping jack sans les jambes, on va dire. Mais c'est vrai que typiquement, le ligament croisé du genou, il faut vraiment un mouvement de rotation, et qui jusque-là, les machines qui étaient dispo n'étaient pas capables de faire ça. Donc probablement, ce type de robot pourra faire ça. Donc effectivement, là, en termes de complexité, là, ils ont vraiment testé 30 minutes un type de mouvement. Ça mérite d'être exploré plus. Cécile, je vous vois passionnée par ce sujet. Absolument, moi c'est parce que je me sens touchée personnellement pour cette histoire de ligament. Oui, ben moi aussi. J'en attends beaucoup. Eh bien voilà, cette étude, on vous a mis comme toujours des liens vers ces différentes études, des liens que vous pouvez consulter sur notre fil Twitter et que l'on reporte a posteriori sur le site de l'émission sur franceculture.fr. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h50, nous ouvrons le dernier dossier de ce vendredi par un dialogue. Je vais faire une petite impersonation comme ça devant vous au débeauté. Ah, dis donc, t'as une petite mine toi, t'as mal dormi l'année dernière? M'en parle pas, la pleine lune, l'horreur. Vous pensez que c'est un ramassis d'âneries? Eh bien, détrompez-vous. Vous avez remarqué la qualité de l'interprétation, j'espère. Détrompez-vous, il est scientifiquement probable que les cycles de la Lune aient bel et bien une influence sur nos comportements. En tout cas, la science, Vincent, commence à tester un certain nombre d'hypothèses et avance quelques résultats. J'avoue que j'avais beaucoup de mal à y croire avant de débuter mon enquête. C'est vrai que c'est gorgé de croyances populaires, de mythes, saupoudré de pseudosciences. Or, il se trouve que depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle génération d'études, un peu plus précise, plus longitudinale, c'est-à-dire qu'on suit les gens tout au long du cycle de la Lune, éventuellement avec des petits outils, des petits capteurs, alors que jusqu'à présent, les études qui essayaient de voir s'il y avait plus de naissances à la pleine Lune ou plus de passages aux urgences ou est-ce que les menstruations étaient synchronisées, ils prenaient tout un bloc, quoi. On prenait des milliers de personnes, on faisait tout un bloc et on faisait une moyenne plus ou moins grossière et donc on voyait rien parce que tout s'éliminait, tout s'équilibrait. Et il y a 3-4 études. Ça reste une poignée d'études pour le moment. Je reste encore un peu sceptique d'ailleurs. Mais il y a 3-4 études, notamment sur le sommeil. Une très belle étude qui est assez récente sur le sommeil chez les Amérindiens Toba et aussi avec des mesures sur des étudiants de Seattle qui montrent que les 4-5 jours avant la pleine lune, on commence à perdre une vingtaine de minutes de sommeil. En tout cas, ces gens-là perdent une vingtaine de minutes de sommeil. En plus, ils décalent l'heure du coucher d'une vingtaine de minutes aussi. Donc, ça pose question. Alors, c'est l'effet d'autant plus fort, évidemment, que ce sont des gens qui vivent sans électricité. Pour le coup, c'est le cas d'une partie des gens des Amérindiens Toba. Qui effectivement vivent peut-être plus proche de la nature et donc ils ont cette lumière lunaire à une certaine importance évidemment. Il y avait eu d'autres études en 2013, une étude suisse en 2013 qui avait trouvé à peu près le même décalage, une vingtaine de minutes de sommeil profond en moins pendant la pleine lune cette fois-ci. Alors est-ce qu'il y a une justification? Alors déjà savoir comment ça se passe. Certains chercheurs parlent d'un effet gravitationnel, mais on a vraiment beaucoup de mal à y croire. C'est l'heure du millionième de G. La Lune, c'est rien du tout. C'est un moustique qui est posé sur votre peau et même à peine. Oui, on parle, l'idée, c'était effectivement, pourquoi pas, de se dire nous sommes après tout composés à 70% d'eau. Puisque la Lune a des effets de marée, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas sur la partie aqueuse de notre constitution? Mais c'est anecdotique. Même les grands lacs américains ont des effets de marée, mais très subtils et ça n'a pas grand effet. Après, l'effet de luminosité, pourquoi pas? En tout cas, sur le sommeil, ça a été... Alors, est-ce que c'est un avantage évolutif? C'est pas évident. Il y a plusieurs chercheurs que j'ai interrogés qui m'ont dit bon, absolument aucun. D'autres ont dit peut-être que ça permet de mieux repérer les prédateurs et puis on peut poursuivre notre partie de pêche ou de chasse et donc ça c'est plutôt un avantage. On peut aussi multiplier les rencontres et donc ça augmente le succès reproductif. Il y a un autre effet. Bon, c'est sans doute à la marge. Il y a un autre effet qui est assez intéressant sur les menstruations. Des chercheurs autrichiens ont suivi, alors pour vous dire, je vous parlais tout à l'heure d'études longitudinales sur le long terme. Là, il se trouve que c'est une vingtaine de femmes allemandes qui ont noté pendant 30 ans sur leur carnet tout leur cycle menstruel de manière très précautionneuse. Et du coup, ces cycles ont été réanalysés, les carnets ont été compulsés par les chercheurs. Ils ont trouvé des synchronisations, alors partielles. C'est pas toujours synchronisé avec les cycles lunaires. Parfois, ça se synchronise pendant quelques années et puis après ça se désynchronise un peu. Alors aussi encore, pas forcément... Alors pleine lune et nouvelle lune, et peut-être avec aussi, eux aussi évoquent des effets gravitationnels, mais on a un peu de mal à y croire aussi. Et sur la synchronisation, cette étude, alors c'est sur une toute petite cohorte de 22 personnes, c'est pas grand chose, mais trouve une synchronisation dans un quart du temps, 3,6, ce qui est pas insignifiant. C'est pas insignifiant, voilà, ça peut pas être dû au hasard. Effectivement, on peut se dire il y a plein d'artefacts possibles. Quand on étudie des cycles, c'est tout à fait possible de faire correspondre des choses avec telle autre et il y a des effets de résonance dans tous les coins. Mais là, pour le coup, c'est a priori pas dû au hasard. De la même manière, dernière sur les cycles maniaco-dépressifs. Alors, on connaît tous l'expression lunatique. Et d'ailleurs, c'était terrible à l'époque, quand dans les asiles anglais du 19e siècle, dès qu'il y avait des cycles de maniaques, donc plus ou moins d'hystérie, les gens étaient frappés, enfin battus. Et bon, on les appelait lunatiques à cause de ça. On faisait le lien avec les cycles lunaires, et il se trouve qu'un chercheur américain a trouvé sur 17 de ses patients, qu'il a suivi très scrupuleusement pendant plusieurs années, a vu une synchronisation très forte. Même il me parlait de choses très précises, mathématiquement très très précises. Donc ça reste assez troublant. Sachant qu'on sait très bien que les organismes marins, beaucoup d'organismes marins sont, alors là pour le coup ça ne fait pas débat, sont synchronisés avec la Lune, parce que en fait souvent des organismes marins tropicaux, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison très claire pour eux, donc ils sont obligés de se raccrocher à un indice environnemental, et la Lune en fait partie. Je ne vous parle même pas des marées, ça c'est l'évidence totale. Après, on a beaucoup de mal à déterminer, à repérer, y compris chez les organismes marins, une horloge lunaire, une horloge biologique, un mécanisme propre à la Lune, des gènes de la Lune, en quelque sorte. Alors, autant vous dire qu'on n'a rien repéré de tel chez les humains, mais des gens cherchent, et beaucoup de gens cherchent, effectivement, ne serait-ce que chez l'huître, chez beaucoup de mollusques, une horloge lunaire. Ça reste une grande quête actuellement. Mais qui, pour le moment, n'aboutit pas. Ça patine, parce qu'il y a un grand débat de savoir est-ce que c'est l'horloge circadienne, donc l'alternance jour-nuit, qui se synchroniserait d'une certaine manière. Je parlais d'effet de résonance tout à l'heure, mais c'est comme des ressorts, en fait, tous ces cycles-là. Il y a des effets de résonance et plein de petits cycles comme ça. Est-ce que ce serait l'horloge circadienne qui se débrouillerait, en fait, pour être un peu en osmose avec la Lune, parce que ce serait voilà, et donc il y a un grand débat entre chercheurs pour savoir s'il y a une ou plusieurs horloges cachées. Donc si on résume, peut-être une petite influence sur le sommeil qu'on peut expliquer somme toute relativement bien, plus de luminosité, moins de sommeil, décidément. On décale un peu l'heure du coucher, mais encore à confirmer. Sur les naissances. Alors, il y a une étude japonaise qui a trouvé plus de naissances nocturnes les nuits de pleine lune, mais pas la journée. Bon, on cherche un petit peu la petite bête, dire. Mais on est sur des effets de bord. Ouais, voilà. Sur la pousse des ongles et sur la pousse des cheveux. Rien du tout. Rien du tout. Et il y a quand même la question centrale sur les loups-garous. Oui. Alors. Effectivement, alors la science n'est pas penchée exactement là-dessus. Alors, il y a effectivement des maladies mentales où les gens pensent être des loups, et puis il y a aussi des gens qui ont des maladies de peau particulières et qui sortent plus volontiers la nuit que le jour, et peut-être que ça a alimenté ce genre de mythe. Mais non, là-dessus, non. On n'a pas encore trouvé, malheureusement, de loups-garous. Merci beaucoup, Vincent Nourigan. On trouve donc ce papier sur la Lune à lire dans Epsilon. Oui, tout à fait. Et à la une de Epsilon ce mois-ci. Alors, la prochaine une, c'est une excellente question, je ne sais plus. Ah mince, ah bah, on va la... En tout cas, ce mois-ci, c'est la Lune. Ce mois-ci, c'est la Lune. Voilà. On va la retrouver, on va la mettre sur notre fil Twitter. Cécile Lessienne, à la une de Pour la Science. Ordinateur quantique, les vrais défis. Et comment ça s'est passé, Pain of Science, Elodie Chabrol ? Racontez-nous, parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'était super de revenir, de retrouver du public et de revenir dans les bars. Oui, parce que c'était depuis 2 ans, il ne s'était rien passé. Ouais, on avait fait en live, en fait, donc sur YouTube, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et là, on a retrouvé l'ambiance, vraiment, Pain of Science, d'avoir la rencontre entre les chercheurs et les chercheuses et le grand public. C'était vraiment fantastique. Dans combien de villes cette année ? Alors, on était dans 34 villes en France et 200 dans le monde. Et si vous utilisez le hashtag Pain22, vous pouvez retrouver tout ce qui s'est passé partout, être inondé de photos. Et bien voilà, vous pouvez faire Pain22 sur Twitter et retrouver tout cet événement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Cécile, merci Elodie, merci Vincent. Merci Alphany, merci Oscar, merci Maxime, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. La méthode scientifique, c'est Céline Lezen, Eve Etienne, Amel Boucherka, Natacha Triou, Noémie Guetzin-Vulfranc, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.